Le CIC présente Chronique entrepreneuriale. Monseigneur, fourrons tous les entresols de bon fumier bien gras. Ainsi, l'hiver venu, il se dégagera des planchers une douce chaleur dans l'ensemble de votre noble demeure. Et si vous sortiez plutôt couper du bois, ça vous rafraîchirait les idées? Parce qu'on ne gère pas une entreprise aujourd'hui comme on l'a gérée hier et que les enjeux énergétiques sont devenus majeurs, le CIC propose le prêt transition énergétique, un prêt à taux réduit pour aider les entreprises à diminuer leurs factures d'énergie. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC, voir conditions en agence et sur cic.fr. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, quand la science-fiction prédit l'avenir et surtout vise juste le film Soleil Vert du réalisateur Richard Fleischer. Charlton Heston, qui a joué Ben Hur et qui incarne à merveille le héros viril de l'Amérique libérale, et Edward G. Robinson, vedette déchue du Hollywood des années 40, qui arrive au crépuscule de sa vie, le casting ne paraît pas forcément idéal pour créer une œuvre politiquement subversive et socialement visionnaire au sein de la très castratrice industrie hollywoodienne. Et pourtant, les deux sont à l'affiche de Soylent Green, Soleil Vert en français, polar de science-fiction crépusculaire qui révolutionne le genre. Le film sort sur les écrans en 1973 et c'est un choc. Ce n'est pas la première fois que le monde découvre sur grand écran une projection de sa fin. Mais jamais celle-ci n'avait paru aussi crédible. Car à l'horizon de ce New York dystopique, croulant sous le poids d'une canicule permanente, il n'y a ni monstre venu de l'espace, ni créature issue des profondeurs de la mer, non. Seul l'humain, cupide et consumériste, est responsable du désastre que dans le monde occidental du début des années 70, on commence tout juste par qualifier d'écologiste. Et il se trouve que l'action du film se déroule en 2022. Prophétique. Notre invité aujourd'hui, Jean-Pierre Andrevon, l'un des pionniers de la science-fiction française et auteur de nombreux essais sur la question, dont récemment Anthologie des dystopies, paru chez Vendémiaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Bastien Jans, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. It is going to be hot tomorrow. It's already hot inland today. The heat dome is taking over in the upper levels of the atmosphere. Les États-Unis sont confrontés à une canicule. A still out of control wildfire in the northern end of the state. Des températures écrasantes jusqu'à 49,6 degrés. États-Unis, été 2022. Une vague de chaleur extrême s'abat sur le pays. Chaque jour, le thermomètre dépasse les 40 degrés dans l'ouest et descend rarement en dessous des 35 dans l'est. Dans la torpeur des rues, les masques sur les visages rappellent les pandémies qui menacent. Les enfants ne jouent pas dehors, les personnes âgées ne sortent plus de chez elles, les incendies ravagent les récoltes et les routes, les glaciers fondent subitement et les eaux déferlent dans les plaines sèches, inondant tout sur leur passage. L'eau potable, elle, commence à manquer. Pendant ce temps, dans les grandes villes américaines, on entretient autant la croissance économique que les inégalités. Soucieuse de maintenir l'ordre et la propreté des quartiers, la police n'hésite pas à expulser les sans-abri. Dans le désert de Mojave, près de Los Angeles, des centaines de personnes chassées des villes sont ainsi regroupées dans un camp de fortune où elles tentent de survivre avec rien. À New York, ville en pleine croissance économique, la pauvreté touche 46% de la population. Dans ce marasme, le détective Frank Thorne essaye tant bien que mal de joindre les deux bouts, d'autant qu'il doit s'occuper aussi de son vieil ami Sol, un bibliothécaire nostalgique qui ne cesse de se remémorer son enfance dans le monde d'avant. Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau. Polluer le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On achetait des œufs, du vrai beurre. On trouvait de la laitue fraîche à gogo. Je sais, Sol, tu m'en as déjà parlé. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre? On se croirait dans un four. On crève à force de transpirer. Mais arrêtons là la confusion et démêlons le vrai du faux. Ce que nous venons d'entendre est un extrait de Soleil Vert, le film de science-fiction de Richard Fleischer, sorti en 73. qui met en scène Charles Denneston dans Flic incorruptible et Edward G. Robinson, son vieux complice, dans un New York dystopique conjugué au futur, l'action se déroule en effet en 2022. En revanche, la situation écologique et sociale des États-Unis décrite en introduction de ce récit n'est en rien une invention de scénariste, c'est la réalité, oui, d'une Amérique qui a connu en 2022 son quatrième été consécutif de canicule, incendie, pénurie et dans laquelle les inégalités ne cessent de se creuser. Cette Amérique contemporaine ressemble à s'y méprendre à celle projetée dans le film de Richard Fleischer. Certes, la réalité y est plus dramatique encore que celle que nous connaissons aujourd'hui. Dans le New York surpeuplé de soleil vert, la ville en effet est plongée dans une canicule permanente. L'électricité et l'eau potable sont rationnées et les habitants vivent sous la domination d'une caste autocratique qui fait régner la terreur. Ils en sont réduits à se battre pour manger des pastilles vertes du nom de Soylent, et comme on le découvrira à la fin du film, celles-ci sont fabriqué à partir de... secret pour l'instant. Quand ce film de science-fiction crépusculaire sort en 1973, il paraît totalement invraisemblable aux contemporains. Et pourtant, il est devenu culte précisément pour sa dimension prophétique. Une question se pose alors. Comment les étoiles se sont-elles ainsi alignées pour que l'un des plus grands studios d'Hollywood, la MGM, produise une œuvre de science-fiction qui préfigure si précisément le cauchemar occidental? Eh bien, retour 70 ans en arrière, à Los Angeles, où on est alors bien loin de remettre en cause le modèle de développement de l'Occident, c'est même tout le contraire. Autrement dit, la maison commence à brûler, mais les Américains regardent ailleurs. Annonçant l'ouverture des séances de la commission, le président Thomas J. Parnell du New Jersey explique l'enquête sur une éventuelle infiltration communiste à Hollywood. La commission essaiera de déterminer si les membres du Parti communiste ont diffusé leur propagande subversive dans les films. 1947, Hollywood. La chasse aux sorcières est lancée. Le maccartisme sévit. Et la House and American Activities Committee, l'organe parlementaire responsable de débusquer les communistes, édicte une première liste noire de professionnels du cinéma, soupçonnés de sympathie avec l'idéologie maudite par le gouvernement américain et les hystériques d'extrême droite atteints de paranoïa aiguë. Impossible pour les non-couchés sur le papier de trouver un emploi dans un studio, que ce soit les acteurs, les scénaristes ou les cinéastes. Pendant près d'une décennie, Hollywood Boulevard est plongé dans une ère de suspicion. De nombreuses personnalités sont appelées à se défendre d'accusations de communisme ou à témoigner contre des collègues. En 1952, l'acteur Edward G. Robinson est appelé pour la deuxième fois à la barre. Il est alors au sommet de sa carrière. Connu pour ses nombreux rôles de gangster nerveux dans les années 30, il vient de connaître l'honneur d'un prix d'interprétation à Cannes pour son rôle dans La Maison des étrangers de Joseph Mankiewicz. Antifasciste convaincu, il s'est un peu trop rapproché d'associations affiliées au Parti communiste américain durant la Seconde Guerre mondiale, et c'est bien cela qui lui reprochait en ce début d'année 1950. Robinson est déjà sur une liste grise, la Loire n'est pas loin. Alors, l'acteur repentant, surtout terrorisé à l'idée de tout perdre face à cette commission hostile, se met à parler. Et il balance des noms et renie toute proximité avec les communistes. Il aurait été dupé, dit-il. Et ces mots, dans le long article de repentance qu'il écrit par la suite dans le magazine Légion, cette même année 1952, donnent le ton de l'époque. Toute ma vie, j'ai cru en ce pays. Et j'ai essayé par tous les moyens de travailler pour lui et de le renforcer. Comme je l'ai dit sous serment, à l'avenir comme dans le passé, j'insiste devant Dieu. J'ai une allégeance et une seule allégeance. Je ne suis pas communiste. Je ne l'ai pas été et je ne le serai jamais. Je suis américain. Les courbettes de Robinson aux inquisiteurs d'Hollywood ne sont pas suffisantes. Certes, sa carrière ne s'arrête pas, mais elle sera dès lors cantonnée à des seconds rôles, mettant peu en valeur son immense talent d'acteur. En 1956, le cinéaste Cecil B. DeMille, conservateur jusqu'au bout des ongles, l'une des figures les plus dures de l'anticommunisme hollywoodien, lui offre cependant un rôle symbolique. Dans sa super production biblique Les Dix Commandements, Robinson sera Dathan, un traître bientôt englouti dans les profondeurs de la Terre. Face à lui se dresse le prophète Moïse, qui dans ce film porte les traits de l'Amérique blanche et virile, incarné par la vedette montante d'Hollywood, Charlton Heston. Death to the slaves! The Ten Commandments, newly restored and presented in 70mm Super VistaVision with 6-track Dolby Stereo sound. Who shall withstand the power of God? Relive the magic of an unforgettable motion picture event. The Ten Commandments. La Bible revisitée en Technicolor s'impose comme l'un des plus grands succès de tous les temps. 14 millions d'entrées en France, plus 2 milliards de dollars récoltés à travers le monde. Les studios de Los Angeles sont au firmament. Le soft power infuse dans toutes les têtes occidentales la grandeur et la puissance de l'Amérique. Mais dans l'ombre des westerns, péplum et autres comédies musicales qui marquent l'âge d'or hollywoodien, un genre d'abord littéraire, puis cinématographique, trouve un public de plus en plus nombreux, la science-fiction. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est une génération d'auteurs de fantastique et d'anticipation qui émerge pour interroger le futur et les limites du monde réel. Dans le sillage des maîtres que sont Lovecraft, Huxley et Son meilleur des mondes, ou encore George Orwell, bien sûr, qui publie 1984 en 1949, une génération dorée née aux États-Unis avec Ray Bradbury et ses chroniques martiennes, Isaac Asimov et ses insurrections de robots, ou encore la plume cauchemardesque de Philip K. Dick. En France, où on lit ces auteurs américains dans la nouvelle collection Présence du futur, des plumes naissent aussi, comme celle ravageuse de René Barjavel. Auteurs et lecteurs s'engouffrent avec avidité dans ces récits toujours plus fous et terrifiants les uns les autres, et qui témoignent des angoisses et des espoirs d'une époque. La peur des totalitarismes, évidemment, mais aussi un mélange de crainte et d'excitation face à l'essor technologique, l'exploration du cosmos ou l'évolution des modes de vie dans ces années d'ébullition que sont les Trente Glorieuses. Le cinéma, reflet du monde, n'est pas en reste, bien sûr, même si la science-fiction est cantonnée à la production de séries B dans les années 50. Autant de métaphores appuyées de la guerre froide. Comme le soulignent ces quelques titres éloquents, La guerre des mondes, Des monstres attaquent la ville, ou encore Les envahisseurs de la planète rouge, là c'est clair. En 1956 toujours, la MGM sort Planète interdite, un space opéra en technicolor qui nous propulse dans un voyage interstellaire en 2237. Leslie Nielsen, le comédien connu pour ses films burlesques, est au casting. Et pourtant, ça n'est pas une comédie. Regardez la couleur de ce ciel. Oui, mais je préfère quand même notre ciel bleu. Je n'en sais trop rien. Je crois qu'on pourrait s'habituer à celui-ci, et sans doute l'aimer. Soit dit sans vous offenser, vous êtes un robot, n'est-ce pas? C'est exact, monsieur. Pour votre commodité, je suis réglé pour répondre au nom de Robbie. C'est agréable ici comme climat. La teneur en oxygène est élevée. Je n'en fais pas usage, monsieur. Ça provoque la rouille. Sous ces oripeaux un peu datés, La planète interdite est une adaptation pertinente du chef-d'œuvre de Shakespeare, La tempête, qui sonde la noirceur et le mal contenu dans chaque être humain. Le film de Fred MacLeod Lykulsk connaît un grand succès populaire et c'est le premier à donner ses lettres noblesse à la science-fiction et au cinéma. Dans les années 60, les studios qui ont flairé la poule aux œufs d'or, c'est leur métier, s'engouffrent dans la brèche et proposent des œuvres de plus en plus ambitieuses, aux messages moins balisés et plus ouvertement critiques du modèle occidental. C'est ainsi qu'en 68, Charlton Heston himself se retrouve propulsé à son tour dans le futur. Lui qui s'est mu dans les années 60 en défenseur de la cause des droits civiques aux USA, est maintenant confronté au racisme et à la domination violente d'une bande de primates devenus tout-puissants sur Terre, des singes, qui agissent exactement comme les humains envers les animaux. Saisissant. D'ailleurs, ce film fascinant, tiré du roman de Pierre Boulle, est un immense succès. Pas étonnant que sorte le même jour un autre chef-d'œuvre de la science-fiction, 2001, l'Odyssée d'espace, du maître Stanley Kubrick. Et pendant ce temps, dans le monde réel... Au mois de septembre à Paris, des savants du monde entier se sont réunis à l'UNESCO pour parler de l'avenir de la Terre. Eh bien, c'est essentiellement une conférence, je n'oserais pas dire de la dernière chance, mais c'est une conférence qui est motivée par l'état de crise aiguë dans lequel se trouve à l'heure actuelle notre globe, sans que l'immense majorité de ses habitants s'en rendent compte. Au point où nous allons, vous savez que si le taux d'augmentation actuel de la population mondiale se continue, avec un même taux de mortalité infantile, eh bien, l'entièreté des terres émergées, y compris les déserts et les glaciers du pôle sud et du Groenland, sera couvert d'humains à la densité d'un par mètre carré en l'an 2440 ou quelque chose comme ça. La parole des scientifiques dans cette émission diffusée en 1968 sur l'ORTF traduit bien l'angoisse qui monte en cette fin de décennie 60, la surpopulation. Oh, cette crainte n'est pas neuve. Elle a été formulée une première fois par Thomas Robert Malthus, le fameux Malthus, dès la fin du XVIIIe siècle. Si l'on ne régule pas les naissances, le monde va à sa catastrophe, avertit l'économiste britannique. Et la science-fiction s'en fait l'écho, comme dans le film d'anticipation de John Brunner, publié cette même année 68, Tous à Zanzibar. Le livre, car c'est un livre, pas un film, le livre stupéfait le monde par ses prédictions pour l'année 2010. Un monde urbain saturé et eugéniste, où règne l'anarchie, un monde sans liberté, sans vie privée et sans oxygène. L'ouvrage rafle tous les prix littéraires. Mais ces fantasmes, teintés d'angoisse, rejoignent une réalité qui pointe. Car les Trente Glorieuses commencent à être perçues autrement. Et si elles étaient surtout les Trente Ravageuses? Parce que la question des limites des ressources de la Terre se pose. Comment nourrir tout le monde si la population ne cesse de croître? Faut-il réguler les naissances? À l'ERTF, on se penche sur la question comme dans l'émission La qualité de la vie en 1970 dans un numéro spécial intitulé « Et bientôt 6 milliards d'hommes ». Un petit port en Méditerranée tout près des raffineries. C'est au pays de la bouillabaisse qu'on a inventé le beefsteak de pétrole. Monsieur, vous en avez mangé du beefsteak de protéines? Bon, c'est pas du beefsteak, hein, c'est des galettes. C'est bon? J'en ai goûté un petit bout, quoi. C'est bon? Bon. C'est bon. Je suis un gourmand, moi, vous savez, je préfère des machins un peu plus doux, quoi. Remarquez, c'est plutôt parce que nous sommes au courant de la façon que ça se fabrique, quoi. Comment? Oui. C'est ça qui vous gêne? Ben oui, plutôt, oui. Que ça vienne du pétrole? Oui. Ils finiront bien pour en faire manger un peu de tout, quoi. Ces beefsteaks de protéines, voire de pétrole, rappellent évidemment les pastilles nutritives appelées Soylent Green. Soleil vert. Le film n'existe pas encore, mais l'idée a déjà été mise en scène dans le livre Make Room, Make Room de Harry Harrison. On y suit les aventures de l'inspecteur Andy et de son vieil ami Sol dans un New York étouffant où vient à manquer de tout. Cette énième variation sur le thème de la surpopulation n'a pas connu un succès monumental, mais il trône sur le bureau d'un cinéaste hollywoodien, Richard Fleischer. Et il se trouve que le réalisateur veut frapper un grand coup, lui le mésestimé, réputé à la botte des studios. Il a déjà commis une trentaine de films dans des genres très différents, mais on dit de lui, avec dédain, comme dans la bouche du critique français Serge Danet, qu'il est un auteur sans œuvre. Eh bien vous allez voir si je suis un auteur sans œuvre. En imaginant un New York surpeuplé, rempli de millions de chômeurs affamés et dominé par quelques nantis, il veut faire un film qui choque, qui dérange, bref, une œuvre. I could read between. Perhaps high degree of uncertainty. Il s'agit en réalité de savoir si dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, la vie deviendra par zone absolument impossible. Et on verra des êtres quasi repoussants, n'est-ce pas, les derniers qui auront réussi à manger les autres, n'est-ce pas, à les faire disparaître pour se réserver les quelques derniers mètres cubes d'air respirable ou les derniers verres d'eau buvables. Non, le premier ministre français de l'époque, Jacques Chaban-Delmas, n'est pas en train de raconter le scénario de Soleil Vert. Il défend les 100 mesures que vient de prendre ce gouvernement en faveur de l'environnement, ainsi que la création d'un premier ministère en France pour les défendre. Au début des années 70, dans le monde occidental, le souci de l'environnement devient une cause politique, et les alertes reviennent régulièrement dans des reportages à la télé. Bon, peu de monde les écoute, à vrai dire. Mais ça frémit. Retour aux États-Unis. Bonne idée, mais pas assez frappant, dit en substance James Aubrey, le président de la MGM, à Richard Fleischer, quand celui-ci vient lui présenter la première version du scénario de Soleil Vert, adapté de Make Room, de Harry Harrison. Arrivé en 70 pour remettre à flot le légendaire studio en pleine crise, James Aubrey est un dur. On le surnomme le Cobra souriant. Il a déjà annulé 12 films et licencié 3500 personnes pour remettre de l'ordre. L'heure n'est plus à la démesure des années Ben-Hur. Mais Fleischer est un bon. Il sait diriger les stars, comme Kirk Douglas dans 20 milieux sous les mers, ou les Vikings, ou pire encore, Orson Welles dans Drame dans un miroir. Surtout, ce réalisateur ne fait pas trop de difficultés face à l'ingérence des producteurs dans la création artistique et il finit toujours ses films dans le temps qui lui est imparti, c'est rare. Même quand il réalise un biopic de Che Guevara en 69 et que la Fox lui demande de couper tous les éléments potentiellement anti-américains de l'histoire, et il y en a, il obtempère. Bon, certes malheureux, j'acceptais et je terminais ce film misérable, se rappelle-t-il dans ses mémoires, des mémoires au titre éloquent, Survivre à Hollywood. Ce côté bonne patte lui offre en tout cas la possibilité de continuer à travailler en ce début d'année 70, et ce malgré quelques échecs. Pour Soleil Vert, il a de surcroît un sacré atout dans sa poche. Charlton Heston, dont il est l'ami et qui veut jouer dans le film. Alors Fleischer, aidé de son scénariste Stanley Greenberg, revoit sa copie. Le temps a passé depuis l'écriture du livre d'Harrison, et le thème de la surpopulation n'est plus si obsessionnel en Occident. Le boom de la natalité se tasse déjà, et il n'apparaît plus comme le problème majeur. Nous sommes alors en 1972, et l'économiste Dennis Meadows, flanqué de son équipe de chercheurs missionnés par le Club de Rome, vient jeter un pavé dans la mare. Nous sommes arrivés à 5 conclusions fondamentales. Au vu des tendances actuelles, les limites physiques à la croissance seront atteintes au cours de la vie de nos enfants. Si nous ignorons cette limite et que nous poursuivons une croissance fondée sur des politiques à court terme, nous atteindrons un point de non-retour qui conduira à un effondrement. Les conclusions du groupe Meadows, le bien nommé, ça veut dire prairie, sont publiés sous le titre « Les limites de la croissance, dans un monde fini », entre parenthèses. Le discours est alarmant, mais argumenté. La croissance économique épuise les ressources de la planète et plusieurs scénarios d'effondrement sont à envisager. Le rapport connaît un succès fulgurant en librairie. Tout le monde en parle. Et il ouvre une brèche dans l'imaginaire occidental. une brèche dans laquelle Richard Fleischer compte bien s'engouffrer. Pour se familiariser avec les projections sur l'environnement, il engage comme conseiller un éminent climatologue de l'Université de Californie, Frank Bauerman. Ensemble, ils forcent le trait de la dystopie malthusienne inventée par Harry Harrison et construisent le tableau d'un New York du futur qui vient synthétiser tous les maux et toutes les craintes de leur époque. Ce ne sera plus New York 1999, mais New York 2022. La population grimpe de 35 à 40 millions d'habitants. La ville n'est plus qu'un bidonville noyé dans un brouillard jaune permanent. Les femmes sont réduites au rang de meubles, qu'on loue avec l'appartement, et les vieillards sont poussés à l'euthanasie. Puis, touche finale, Fleischer introduit un retournement inattendu qui restera dans toutes les têtes des spectateurs pendant des générations. Le soleil vert, la nourriture des pauvres, est fabriquée à partir de restes humains. La parabole est saisissante. Quand l'homme a fini de manger la terre, il se mange lui-même. Cette fois, la MGM dit oui. Et le tournage débute en septembre 72. Pour le casting, Fleischer a une autre bonne intuition. Aux côtés de l'inspecteur de police valeureux et incorruptible incarné par Charlton Heston, il fait donc appel à Edward G. Robinson. Le vieil acteur, qui n'a pas tourné depuis 3 ans, vient apporter toute sa nostalgie de l'âge d'or hollywoodien dans le personnage de Sol, le vieux bibliothécaire et ami du héros. Celui qui a la mémoire des temps heureux, de l'air pur, de la bonne chair et des paysages verdoyants. Les deux acteurs s'entendent à merveille et s'investissent à fond sur le tournage. Ils proposent même de rajouter une scène qui deviendra mythique. Une scène où les deux personnages partagent un repas. Sais-tu combien de livres ont publié dans ce pays il n'y a pas tellement de temps quand il y avait du papier, des presses et des machines, du courant et des... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon Dieu! Narheim. Oh, une vraie tomate. Oh, c'est pas une belle chose. Sol. Du bœuf. Oh, mon Dieu. Comment sommes-nous arrivés là? Problème, Robinson est sourd comme un pot, ce qui rend un peu compliqué le jeu avec ses partenaires. Mais animé d'une foi inébranlable en son art, le vieil acteur va au bout de lui-même. Tout le monde ignore sur le tournage, hormis Fleischer et Charlton Heston, mais Eddie Robinson joue là son ultime partition. Il est atteint d'un cancer en phase terminale. Le jour où il joue sa dernière scène, le tournage prend alors une tournure tristement symbolique. Dans cette séquence difficile, le vieux Sol, épuisé de vivre en ce monde sans joie, choisit le suicide assisté. Le cinéaste a imaginé une mise en scène particulière qui fait entrer cette séquence dans la légende. Eddie Robinson, allongé sur l'autel où il doit mourir, contemple une dernière fois les images du monde disparu. Sur de grands écrans lui sont projetées des vues de la nature luxuriante, des lacs, des cascades, des océans, tandis que la 6e symphonie de Tchaïkovski retentit et accompagne son dernier souffle. Les couleurs vives et la beauté des paysages sont évidemment aux yeux du spectateur qui n'aura vu que de la grisaille pendant 2 heures. Mais le vieil acteur, lui, ne les voit pas, ces images, car elles ne seront ajoutées qu'en post-production. Robinson n'a que ses souvenirs pour pleurer. Dans ses mémoires, Fleischer se rappelle ce moment. Je n'oublierai jamais cette scène. Eddie resta allongé là, les yeux au plafond, l'air émerveillé, surpris, ravi, douloureux de nostalgie. Après avoir joué la comédie avec des acteurs qu'il ne pouvait entendre, voilà qu'il réagissait à des images qu'il ne pouvait voir. À la fin de la scène, personne ne dit un mot. Chuck Heston avait les yeux brillants. Plus tard, lorsque vint le moment de tourner son gros plan, les larmes étaient toujours là. Edward G. Robinson ne vivra pas assez longtemps pour savourer le succès de Soleil Vert, ni pour recevoir l'Oscar d'honneur qui lui est remis à titre posthume. Quel symbole, pourtant, pour celui qui aura été un paria durant des années, victime du macartisme, et qui ne s'en est vraiment jamais remis. En tout cas, sa performance dans Soleil Vert donne au film une teinte singulière. La science-fiction n'est plus le terrain de l'aventure, du frisson, du spectacle, mais celui de la conscience, de la nostalgie et des regrets. Richard Fleischer enfonce le clou en inventant une séquence choc en ouverture du film, et plutôt étonnante pour un film de science-fiction hollywoodien. Un montage de près de 2 minutes, faisant défiler un petit millier de photographies d'archives qui racontent l'incroyable accélération du monde moderne, du temps long de la vie rurale jusqu'au rythme effréné de l'ère de la grande consommation. Et le résultat est saisissant. Son monteur, Chuck Braveman, se souvient dans le documentaire d'Arte Soleil Vert, Alerte Rouge, de ce moment de bravoure. C'est vraiment bizarre, parce qu'à la fin de la séquence d'ouverture, c'est marqué New York 2022. Et c'était il y a 50 ans. Si vous deviez refaire une séquence comme ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous ajouteriez ? Je ne sais pas si j'ajouterais quelque chose. En la visionnant à nouveau, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps, je trouve que ça tient la route. Qu'on pourrait refaire la même séquence aujourd'hui et que ça paraîtrait tout à fait d'actualité. C'est bien l'ironie de l'histoire. Ça a 50 ans et ça n'a pas vieilli. C'est un suicide collectif. New York, 19 avril 1973. Le film est présenté en grande pompe devant un parterre de privilégiés et de journalistes curieux. Mais à la fin de la projection, Abraham Weiler, le critique historique du New York Times, est dubitatif. Alors il trempe sa plume dans l'acide et il écrit « Les New-Yorkais ont certes des problèmes de nos jours, les graffitis, l'impôt sur le revenu, les Yankees, mais rien de comparable aux horreurs qui nous attendent en 2022. Malheureusement, le scénario, la mise en scène et les principaux acteurs impliqués dans cette lutte pour la survie sont souvent aussi synthétiques que Soylent Green. Ce New York du 21e siècle est parfois effrayant, mais rarement convaincant et réel. Invraisemblable, effectivement. Voilà ce que retient la critique américaine. Dans le New Yorker, Penelope Gilliatt s'énerve même. Ce film pompeusement prophétique n'a pas un seul cerveau dans son sac à haricots. Où est la démocratie ? Où est le vote populaire ? Où est la liberté des femmes ? Où sont les pauvres qui se révoltent ? Il faut croire que l'Amérique de Nixon n'était pas tout à fait prête pour cette plongée mortifère dans son futur. Le film est tout de même un succès en salle. Charlton Heston oblige. En France, il ne sort qu'à l'été 1974 et suscite beaucoup plus d'intérêt. Il faut dire que le premier choc pétrolier survenu à l'automne 73 a donné un premier coup de bambou au fantasme d'une croissance sans fin. Et les Français ont une première vision d'un monde aux ressources raréfiées. Sur le plateau de RTF en juillet 77, Aaron Taziev, le grand vulcanologue et figure de la défense de l'environnement, réagit au film de Richard Fleischer. Pour moi, c'est la dénonciation, et elle m'a fortement secoué, la vue de ce film m'a très fortement secoué, la dénonciation d'un triple danger essentiel qui guette l'humanité, qui est avant tout de dénaturer la nature. Dénature, donc ce qu'on appelle la pollution, quoi, l'environnement, etc. J'aime pas ces termes dans ce sens-là. Deuxièmement, une hypernatalité démentielle qui fait que le nombre d'humains croît à une vitesse effroyable, beaucoup plus vite que ne croissent les ressources alimentaires. Et troisièmement, l'épanouissement des puissances supranationales industrielles qui mettent la main non seulement sur un pays, mais sur un ensemble de pays. Et nous venons d'en avoir la preuve avec ce que les grandes compagnies pétrolières viennent de réussir comme coup magnifique pour doubler ou quadrupler, je ne sais pas, leurs bénéfices à l'occasion de la guerre du Kippour. Alors, la science-fiction prédit-elle vraiment l'avenir ou n'est-elle que l'expression des angoisses du présent ? Pour Soleil Vert, en tout cas, le futur n'a pas d'avenir. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only I wanna hear the dogs crying for water. I wanna see the fish go belly up in the sea. And all those lemurs and all those tiny creatures, I wanna see them burn, it's only 4 degrees. I wanna burn them, I wanna burn them. I wanna burn the sky, I wanna burn the breeze. I wanna see the animals die in the trees. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Soleil Vert. Notre invité Jean-Pierre Andrevon. Bonjour. Bonjour. Auteur pionnier de la science-fiction française, auteur en 1969 du livre Les Hommes-Machines contre Gordard, paru dans la collection légendaire Présence du Futur. Tout récemment, une anthologie des dystopies. Entre-temps, vous avez publié plus d'une centaine de romans, nouvelles, anthologies et autres essais théoriques sur le genre si particulier de la science-fiction. Vous êtes en direct de Grenoble dans les studios de France Bleu Isère que nous remercions. Vous avez regardé les vœux d'Emmanuel Macron cette année ? Ah ben tout à fait, j'ai bien remarqué qu'il disait que qui aurait pu croire il y a un an, voilà. La science-fiction, bien entendu, parce que c'est faire preuve d'un tel aveuglement qu'on voilà, on s'en bouche les yeux quoi. Mais il fait que refléter ce que beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui et pensaient de manière beaucoup plus aiguë il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans quoi. Alors qu'on sait bien que la catastrophe qui nous attend par notre dépense d'énergie a été pensé déjà à la toute fin du 19e siècle. Donc vous voyez, puis après il y a eu effectivement les COP, il y a eu Cousteau, il y a eu tout le monde. Donc voilà, donc je suis un auteur de science-fiction, mais avant tout je suis un citoyen qui est lucide d'abord, parce qu'il faut être lucide pour réfléchir, qui est lucide et qui est assez désespéré, ce qui n'empêche pas le combat pour essayer de peut-être même pas de vivre, mais au moins de survivre dans les meilleures conditions possibles. Ben oui, ça n'empêche pas le combat, au contraire, ça le rend tellement incontournable. Alors, quand Emmanuel Macron dit, effectivement, qui aurait pu prédire la crise climatique, on a envie de lui répondre, mais la science-fiction notamment le fait depuis les années 60. Oh ben la science-fiction le fait depuis très très longtemps, je veux dire, vous avez cité avec raison Barjavel, qui a publié Ravage en 1943, qui était peut-être une date assez néfaste pour cette publication, mais qu'il avait commencé à l'écrire bien avant, où déjà il disait que on va rentrer dans le mur, donc ce qu'il faut c'est retourner, peut-être pas à l'âge de pierre, mais au moins à une société, disons, paysanne, ennoblie, qui pourrait retourner au Moyen-Âge ou en tout cas à la Renaissance, quoi. Donc pour lui, il avait tort, il avait raison, je sais pas, il était peut-être un peu excessif, mais la machine et tout ce que ça implique, la technologie, il fallait tout casser, il fallait casser les machines, quoi, voilà. Dans votre anthologie des dystopies, vous faites d'un ouvrage de 1826, Le dernier homme de Marc Chollet, la première dystopie de l'histoire. Qu'est-ce qu'une dystopie déjà? Bah, une dystopie, c'est le contraire d'une uchronie, quoi, d'une utopie, je veux dire. C'est-à-dire, c'est une société inventée d'après ce qui se passe dans la réalité et qui est là pour écraser le citoyen et non pas pour lui donner les meilleures façons et les meilleures raisons de vivre, quoi. Et il se trouve que c'est assez amusant quand même que si Marie Shelley, rappelons que c'est quand même l'autrice de Frankenstein, hein, que je considère comme étant le premier ouvrage de science-fiction écrite. Elle s'est basée sur les grandes épidémies de peste, notamment, dont celle de 1300 et quelques, qui a annihilé près de la moitié de l'Europe. Et c'est amusant de mettre en parallèle ce roman, Le dernier homme, et puis l'épidémie, ou plutôt la pandémie de Covid, qu'on a vécu, et d'ailleurs qu'on vit encore, quoi. Parce que la grande pandémie qui extermine une grande partie de l'humanité, sinon, pourquoi pas, l'humanité tout entière, c'est un sujet qui vient du fond du début de l'humanité, quoi. Hein. Rome, notamment, a connu de terribles épidémies. Donc on n'a rien inventé, et je crois que la science-fiction invente rien. La science-fiction se base sur ce qu'on vit, puis elle lui donne simplement un petit coup de pouce pour aller un petit peu plus loin dans l'avenir, 10 ans, 50 ans, 200 ans, peu importe. Alors des fois, elle voit juste, comme vous le disiez tout à l'heure, dans Soleil Vert, des fois, elle se trompe, ben, mais moi, c'est le jeu. Soleil Vert est une dystopie, donc. Quelle place occupe ce film dans votre panthéon personnel dystopien? Dans mon panthéon personnel, c'est vraiment une étoile brillante qui est tout à fait au sommet de ma cinéphilie. Je dis pas que c'est le premier film qui s'est occupé d'écologie. Juste avant, il y a eu Silent Running, quand même, où on exporte dans l'espace, dans des stations spatiales en orbite autour du Soleil, les toutes dernières forêts de la Terre qui se meurent. Donc c'est aussi un exemple assez particulier, quoi, de la dystopie, de l'écologie, et voilà. Mais je crois que la science-fiction s'est beaucoup basée sur la catastrophe, sur le cataclysme. Pourquoi? Parce que finalement, les auteurs de science-fiction, passé les années 40, quand ils ont découvert la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, et puis Hiroshima et Nagasaki, ils se sont dit que le futur n'était plus ce qu'il était, quoi, comme pour reprendre une expression de autre grand auteur, Arthur C. Clarke, le Britannique. Donc voilà, alors après les années 40 et jusqu'aux années 50-60, la grande peur, c'était la guerre atomique. C'est pour ça qu'il y a eu une foultitude aussi bien de romans que de films sur la guerre atomique qui éradiquerait toute l'humanité. Puis peu à peu, on s'est dit « Ah, ben le péril atomique s'éloigne », ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, mais enfin, admettons-le. Et donc, on a commencé effectivement à s'occuper de l'écologie et de ce que faisait l'homme à sa planète. Alors ça a commencé effectivement par la littérature, hein. Vous avez cité le Britannique John Brunner, qui est pour moi un très très très grand auteur, qui est malheureusement un tout petit peu oublié et plus publié maintenant. Il est mort d'ailleurs il y a une vingtaine d'années, et où il parle dans tout sa Zanzibar, que vous avez cité. Aussi, oui. Vous avez tout cité, j'ai plus rien à dire en fait. On dirait pas. Où il imagine que voilà, la Terre est surpeuplée, et que si toute l'humanité se réunissait sur l'île de Zanzibar, voilà, elle serait entièrement remplie par des hommes au coude à coude, quoi, ce qui est assez amusant. Ça me fait penser à quelque chose, quand l'écologie a réussi à entrer dans le débat public, notamment avec l'élection présidentielle de 1974, ceux qui regardaient ça de haut avec mépris disaient « c'est de la science-fiction ». C'est drôle quand même, hein. Ben, c'est un cliché quand on pense à quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de réaliser. On dit « Ah ben, c'est de la science-fiction » avec tous les guillemets que vous voulez. Et maintenant, c'est vrai que tout ce qu'a dit la science-fiction, encore une fois, on s'est parfois trompé, hein. Kubrick en premier, qui imaginait en 2001, c'est-à-dire il y a 20 ans, des Hilton de l'espace, des bases permanentes sur la Lune avec des centaines de personnes. Là, pour tout ce qui concerne une grande partie de la SF, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la conquête avec encore des guillemets de l'espace, ça s'est pas réalisé et pour moi, ça se réalisera jamais. Mais par contre, tout ce qui traite à la Terre et à ce qu'il a détruit, c'est-à-dire nous autres, les humains, la science-fiction s'en est préoccupée, effectivement, dès les années 60, même les années

Jean-Pierre Andrevon, on a dit longtemps science-fiction, on continue à dire science-fiction. Un peu plus tard, on a employé un autre mot, d'ailleurs assez pertinent d'un point de vue sémantique, l'anticipation. Le cinéma d'anticipation, le livre d'anticipation. Dans cet ordre d'idées, est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que les scénarios de science-fiction peuvent inspirer les architectes, les designers, les urbanistes, enfin tous ceux qui pensent concrètement le monde de demain? Oui, oh ben sûrement, et vice-versa. D'ailleurs, un grand nombre d'auteurs de science-fiction américains que vous avez cités, Asimov, on peut le citer en exemple, était un scientifique assez pointu. Arthur C. Clarke aussi, hein. Il a participé à l'invention du radar, par exemple, pendant la guerre. Donc, il y a une espèce de mouvement de va-et-vient, comme ça. Les scientifiques, beaucoup lisent de la science-fiction, ce qui est bien normal, donc ça peut les inspirer. Et d'un autre côté, ceux qui écrivent de la science-fiction, s'ils veulent écrire une science-fiction réaliste et qui tienne le coup, eh ben ils doivent se tenir au courant des avancées technologiques et scientifiques, bien sûr. Oui, oui. Alors évidemment, parmi les grands noms dans le panthéon de la science-fiction mondiale, il y a évidemment George Orwell avec son fameux 1984, écrit en 1949. Mais aussi Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Est-ce que c'est l'un de vos modèles, le meilleur des mondes? On les a souvent opposés parce que Huxley parlait, on parlait pas encore de génétique à l'époque où il a écrit le meilleur des mondes. Mais enfin, c'était quand même ça. C'était transformer l'humain qui se aujourd'hui, ça, on parlerait de transhumanisme, par exemple. Le clone, oui. Et puis d'un autre côté, Orwell, avec l'expérience du communisme stalinien auquel il avait cru au début, puis il s'en est vite échappé, parle des sociétés oppressives, quoi. Alors, je dirais que le futur que ces deux auteurs fondamentaux ont abordé, se sont un petit peu rejoints, quoi. Il y a effectivement le transhumanisme, tout ce qu'on fait subir à l'homme, tout ce qu'on lui fera subir, et puis les sociétés oppressives, hein, on les compte sur tous les doigts de la main et un peu plus, hein, vous les savez, vous les connaissez, vous connaissez aussi bien que moi. Donc voilà ce qui fait que, ce qui peut faire dire que la science-fiction, encore une fois, on n'est pas des devins, on n'est pas des prophètes, mais quand même, quand on vit dans une société et qu'on regarde la route qu'elle prend, je dirais, on ne peut qu'écrire de la science-fiction parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans? Qu'est-ce qui va arriver dans 20 ans? Et ça, malheureusement, les politiques et surtout les économistes, mes ennemis principaux, le voient pas ou font semblant de pas le voir. Non, mais c'est pas bon pour les affaires. Évidemment. Non, ouais, exactement. dernier film que je voudrais citer qui vient d'un livre d'un français, Pierre Boulle, évidemment, La planète des singes. Vous avez vu aujourd'hui quand même la prise de conscience de la façon dont on doit traiter les animaux. Là, on imagine le monde à l'envers, des animaux qui traitent les humains comme les humains traitent les animaux. Bien fait pour eux. Oui, oui, tout à fait. Il est formidable. Celui-là, il est universel, La planète des singes, parce qu'il a touché les enfants avant Huxley, évidemment, c'est beaucoup plus abordable. C'est un modèle, La planète des singes, pour vous? C'est un modèle, bien sûr, parce que effectivement, ça, l'évolution est prise à l'envers, hein, ce qui est évidemment, d'un simple point de vue historique ou biologique, est une absurdité, mais quand même, c'est une espèce de fable où les animaux se vengent, si on peut dire, de tout ce que nous autres humains on leur a fait subir, et c'est pour ça que c'est intéressant et que effectivement on devrait le montrer, peut-être pas le faire lire, parce que moi, paradoxalement, je trouve que le premier film est bien meilleur que le bouquin de Boulle. Ça arrive, voilà. Oui. Bien. Donc c'est intéressant de ce côté-là, quoi, bien sûr. Ah, mais écoutez, ça sera le mot de la fin. Jean-Pierre Andrevon, merci pour cette conversation. C'est moi qui vous remercie. Passionnante. Autour de la science-fiction. Au revoir. Au revoir et à bientôt. À bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Soleil Vert, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos. Et il est temps à cette heure-là d'aller dans l'air du temps. Et c'est avec vous, Mathieu Noël. Exactement. Bonjour mon cher Fabrice. Peut-être une émission référence pour Zoom Zoom Zen, puisqu'on va zoomer sur un mot qu'on connaît tous, qui flotte à n'en plus finir, alors pour le coup dans l'air du temps, mais qu'on n'a pas fini de décortiquer, le wokisme. Eh oui, une heure pour tout comprendre et enfin peut-être se forger un avis. À tout à l'heure, même à tout de suite, juste après le flash, Mathieu Noël.